On récupère Gégé, justement, dit l'anus sans feu. Donc Gégé, la semaine dernière, il y a eu un petit incident avec Gérard, avec Fildar. Ouais. T'avais demandé à avoir des excuses. Ouais. Et ce soir, Fildar va nous faire, va te faire des excuses en direct afin que tu puisses venir jeudi pour ce débat sur les routiers et les civils. Débat qui est très très attendu. Oui. Bonsoir Gérard. Salut Jacques. Bonsoir. Donc moi, j'ai eu des remords tout le week-end. Hein. Max, t'en as parlé. Moi, je t'écoute. Moi, je veux pas le savoir. C'est toi qui as fait le con. De toute manière, apparemment, t'avais pas des remords dimanche. C'est pas. Pourquoi? Bon, attends, dimanche, tu rigolais bien quand même. Hein. Parce que j'ai écouté dimanche soir. Hein. Bah, j'ai pas pleuré. Hein. Non, mais t'avais l'air d'avoir la patate. D'après ce que je vois, t'as. Bah, alors, on peut très bien avoir des remords sur quelqu'un. C'est pas pour ça qu'on n'a pas la patate. T'sais. On peut apprendre une mauvaise nouvelle et continuer à faire avoir le sourire. Hein. Et c'est pas parce qu'il a eu des remords que ça veut dire qu'il avait le moral à zéro pendant tout le week-end. T'inquiète pas. Hein. Il est sorti, il a niqué sa meuf, il est venu dimanche avec l'éclectique, il est là ce soir et il sera là demain. T'inquiète pas, il sera là jeudi, parce que jeudi, il y aura un débat. Parce que justement... Ah, moi, de manière, il fait ce qu'il veut avec sa nana. Non, mais d'accord, d'accord, mais... C'est pas moi qui va me taper sa nana. Hein. Bon, non, on n'a jamais dit ça, arrête de... Pourquoi quand on dit quelque chose, tu traduis toujours mal, hein. Mais ça, jamais... On peut demander à ta nana si elle a pas envie de se faire... Hein. Non, mais de toute manière, la mienne, elle est pour moi. Hein. Mais non, on n'y touche pas, t'inquiète pas, personne touchera ta meuf, ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il vient de dire, l'autre, là? Arrête à chaque fois de dire ouais les autres, arrête de parler du standard toutes les 5 minutes. Gérard, tu voulais des excuses, t'en as pleuré, tu disais ouais, t'as gueulé comme un putois dans la semaine pour avoir des excuses de Fildar. Fildar a eu des remords, donc Fildar va s'excuser, on écoute Fildar. Voilà, donc j'ai écrit une lettre cet après-midi pour m'excuser. Donc, cher monsieur Gérard de Nanterre de la France, je vous écris par la présente conformément à l'ultimatum que vous avez de votre plein gré posé mercredi dernier à 22h20 pour personnellement, après mûre réflexion en pesant bien le pour et le contre, si cela valait bien la peine, sans poser de questions sur ton QI. Te demander si tu étais bien prêt à entendre, ce que j'allais te dire ce soir en direct sur Fun Radio. Tu peux reculer du micro, hein, je m'entends pas. Mais si. Donc, en direct sur Fun Radio à 23h12, face à tous les auditeurs de la France entière, et d'ailleurs, grâce à l'Internet, le réseau mondial qui permet de communiquer et de divulguer des photos de ton petit cul, dans les meilleures conditions, mes plus plates et mes plus intenses excuses par rapport à mon comportement désagréable comme ton odeur. Donc je tenais à te souhaiter, Gérard, élément capital de la société de la sécurité sociale, un bon débat pour jeudi soir, car vu ton professionnalisme élevé comme ton taux d'alcoolémie, je ne me fais aucun souci. Ton avenir semble tout tracé en direction de la sortie des artistes. Je vous envoie, monsieur, mes sordides accusations et vous dis à jeudi. Et voilà, point final à la ligne. Ah bah dis donc, alors là, bravo. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Non mais il a pas besoin de... je crois que son truc, moi c'était simplement, bon excuse-moi pour ce que j'ai dit, il avait pas besoin de signaler tout ce qu'il vient de dire, parce que moi... Bah quoi, il est en train d'expliquer qu'il s'est trompé. Non mais truc de Nanterre, sécurité sociale, tout ça... Mais t'as pas compris, c'est dommage que tu parles pas bien le français, parce que c'est joli non, ce qu'il... Non mais je parle aussi bien le français que toi. Bah ouais mais tu comprends pas aussi... Non mais moi de toute manière, moi c'était simplement, bon bah, excuse-moi pour avoir dit ton nom. Mis à l'antenne, c'était tout. Moi, c'était tout ce que j'attendais. Bon, alors, vas-y, oui, mais c'est tout. C'est exactement. Non, mais moi, c'est tout, Max. Gérard, c'est exactement ce qu'il. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Non, mais attends. Moi, personnellement, ce qu'il vient de dire. Ben, c'est beau, c'est des excuses plates, c'est qu'il s'excuse. Moi, de toute manière, son truc d'ivrogne, ça, qui se carre ou que je pense bien profond. Il a pas dit ça. Si. Bon, alors, tu dis, je m'excuse pour avoir donné ton nom de famille. C'est tout, moi ça me suffit. Bon bah. Le reste, j'en ai rien à foutre. Bon bah. Mais maintenant, comme je t'ai dit, et ça je maintiendrai ce que j'ai dit lors de la réunion et quand je suis venu le lundi, tu m'as demandé de venir. Je suis d'accord. Moi, si je dis ça se passe mal, au bout de 5 questions, si je vois que ça se perd, Non, je te laisse pas terminer. Tu peux pas dire que tu es en train d'essayer de me faire dire, t'essaies de dire, je te coupe avant même que tu aies terminé, que si ça se passe pas bien, au bout de 5 questions, tu t'en vas, et il y a à peine 20 minutes sur l'antenne, je te rappelle que tu disais qu'on risquait d'aller plus loin que 2 heures parce que c'était le dernier avant les vacances. Donc il faut savoir. Non, mais faut savoir une chose, que Max, faut bien qu'on se mette d'accord, que toi, tu l'as sur DAT, tu as l'enregistrement de la conversation ça, qu'on c'est a clair. Eu en direct. Ça, c'est clair, net et précis. Donc tu as les deux passages qui ont été faits sur l'antenne. On est d'accord. Donc, moi, si je dis, je vois qu'à minuit et demi, au plus tard, si je vois que ça se passe mal, Dans ces cas-là, c'est toi qui prends les responsabilités. Tu les as sur DAT. Maintenant, c'est à toi de faire quelque chose. Mais c'est déjà été fait. C'est à toi. T'as jusqu'à jeudi pour essayer de les motiver parce qu'apparemment. Non, ils sont. Non, il n'y a pas d'apparemment. Tu fais rien du tout. Tu n'es jamais dans les studios. Donc, je ne vais pas te laisser parler pour dire toujours n'importe quoi. Ils sont très motivés pour jeudi parce que d'abord, c'est les débats de Jarry qui sont toujours très motivés parce qu'il y a toujours de l'audience. Et il y a de la pression. Et en plus de ça, c'est le dernier jour avant les vacances. Ils ont l'intention d'aller loin. C'est un débat sur les routiers et sur la CIBI. Donc, je ne te laisse même pas terminer ta phrase en disant qu'ils sont pas motivés parce que tu es un menteur, tu n'es jamais dans les studios, donc ne dis pas qu'ils sont pas motivés, ils sont très motivés comme ils le sont tous les soirs de la semaine. Oui, alors pourquoi qu'ils s'amusent à saccager le débat comme l'autre fois quand on a fait le truc le lundi qu'on a fait le parce que débat sur les parce qu'ils n'étaient pas mis au courant suffisamment tôt et quand on a décidé. Et pourquoi toi, que le jeudi. Mais ferme ta gueule, sont... putain, laisse-moi expliquer au moins, tu me laisses même pas parler. Non, attends, hey, attends, Max, pourquoi que quand Sandy s'est borré, pourquoi que ils étaient bien motivés quand même quand t'as dit on vient faire un débat. Oui, mais t'étais comment pas. Ça, ouais, mais comment ça se fait qu'ils ont tout saccagé? Non. Mais non, parce que. Mais non. Mais tais-toi un peu. Mais non, mais laisse tomber. Attends. Mais tais-toi un peu. Laisse-moi parler. Arrête un petit peu. Il y a que toi ici. Putain, laisse. Tu poses une question. Mais si, tu poses une question et tu laisses même pas répondre. Alors après, tu nous fais chier quand tu poses des questions aux auditeurs et qu'ils répondent pas et tu me fais la même chose. Tu me poses une question et je te réponds. Si ça s'est mal passé la dernière fois, parce que c'était un débat pirate. On n'avait pas prévenu, Filda et Manu ont été prévenus au dernier moment, ils ont eu, comme ils disent, ils ont eu la pression. Ouais. Ils savaient ouais, que. Et la fois d'avant où Sandy et Séboré qui l'ont traité de grosse. Mais non ils étaient quand même prévenus. Mais non que tu m'avais demandé, la veille, tu m'avais dit est-ce que Sandy vient, je t'ai dit oui. Et que, d'ailleurs, je m'en souviens, voilà. On peut rappeler aux auditeurs que tu n'as pas été capable de gérer ta femme et qu'elle s'est barrée, que tu n'étais même pas au courant qu'elle était partie et que tu es rentré chez toi et que c'est vrai que tu as eu du mal à gérer ta copine quand même. Ouais, mais ça, d'accord. T'as mal assuré. Ouais, mais dans ces cas-là, pourquoi qu'ils ont foutu leur merde aussi au standard? Hein, pourquoi que Manu il s'amuse à se foutre de ma gueule et que Fulgar il s'amuse avec le double son? Mais non. Et pourquoi que ça, comment que ça se fait que quand c'est toi qui fais tes débats et tes micros ils marchent bien et que quand c'est moi, je me suis retrouvé avec des fils pas possibles partout? Mais tu sais très bien que ça peut m'arriver aussi. La preuve, c'est que j'ai eu un problème. Ce soir encore, j'ai des problèmes de micro. On a des trucs qui marchent pas bien dans le studio et tu vois que ça tombe sur moi aussi. Ouais, mais alors dans ces cas-là, Olivier Delapro, qu'est-ce qu'il fait? Il a qu'à s'occuper de ça. Il est là à se branler les couilles, à faire des jingles. Je sais. Dans ces cas-là, il se branle à faire son job. Ouais, mais qu'il se branle aussi à... À faire le job des autres. Ouais, mais qu'il se branle aussi à gérer ton émission, quand même. Bah, écoute, c'est, ouais. C'est quand même toi le responsable la semaine. Bah, exactement, c'est donc. C'est toi qui veux que je revienne le jeudi. Bah, donc c'est de ma faute. Moi. Donc c'est de ma faute. Non, mais c'est de la faute aussi à Olivier Delapro. Il a qu'à se démerder pour que ça soit en place. Ouais, mais je suis désolé, c'est quand même moi le chef de cette équipe, ce qui fait que quand t'es en train de dire des choses comme ça sur l'antenne, il y a la direction qui écoute, et de toute façon, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute d'Olivier, c'est pas de la faute de Filda et Manu, c'est de ma faute, parce que c'est moi qui dirige l'émission, c'est moi qui décide de te faire venir. Donc quelque part, quand tu dis ça, c'est contre moi. Non, je te dis pas ça contre toi. Non, au contraire, c'est pas pour toi que j'en ai. C'est pas pour toi que j'en ai, c'est après eux. Parce que eux, quand tu leur dis quelque chose, pourquoi qu'ils se foutent de ma gueule? Non mais toi, je le prends mal, je veux que tu me fasses des excuses, parce que je le prends très mal ce que tu me dis. Non mais moi je vais te dire une chose. Non mais moi je le prends très mal. Moi je vais m'excuser jeudi devant toi en direct, parce que je vais venir une heure avant. Hein, et je vais m'excuser devant toi. Et dans ces cas-là, on va voir comment ils vont faire. On va voir s'ils vont gérer comme tu le demandes. On va voir s'ils vont faire comme moi. Parce que toi, t'as les 24 lignes qui sonnent à l'heure actuelle. Non, j'en ai que 10, moi. Toi, t'as les 24 lignes pour tes débats, et moi, j'en ai que 5 ou 6. Ouais, mais alors comment que ça fait? Même pas, j'ai 3 lignes qui sonnent en ce moment. C'est pauvre, tu sais, les auditeurs, il y a bien longtemps qu'ils n'ont plus compris le jeu et que, tu sais, ils appellent plus au standard. Hein. C'est fini, c'est mort. Ouais, mais dans ces cas-là, moi, je veux te dire une chose. Tu sais ce qui se passe? C'est que là, t'as un problème avec France Télécom, là, comme disait celui de Corse, là. Jojo. Non, mais t'es sourd, ouais. Mais c'est pas possible, t'es sourd, ça fait 3 fois que je te dis Jojo. Ouais, Jojo de Corse, là. Eh ben, lui, il est bien avec France Télécom, dans ce cas-là, il a qu'à voir avec eux. Et puis, Manu et Pildar, ils ont qu'à voir aussi que quand ils demandent des numéros de téléphone, qu'ils essayent d'appeler si le sujet, il est bon, dans ce cas-là, qu'ils te passent à l'antenne, qu'ils attendent pas. Parce que pourquoi qu'ils attendent? Pourquoi qu'ils te font passer des sujets que toi, tu t'énerves? Parce que ce soir, j'ai encore écouté, ce soir, tu t'es énervé sur un sujet. Apparemment, je me suis pas énervé. Mais non, dis pas n'importe quoi. Ne parle pas à ma place. Écoute, t'arrêtes pas de parler depuis tout à l'heure, t'es monologue, je t'écoute même pas. Tu parles à ma place, ne parle pas à ma place. Il y a pas un truc qui m'a énervé tout à l'heure. Bah attends, moi j'ai écouté. Mais il y a rien. T'as un sujet qui te faisait pas. Mais si, c'est que je fais ça pour déconner. Ben ouais, mais dans ces cas-là, tu te donnes des sujets valables. Mais c'est des sujets valables, je vous remercie. D'ailleurs, je voudrais profiter que Gérard ne parle de Filda et Manu pour les remercier du travail qu'ils font tous les soirs. Vous faites du très bon boulot, les gars. Ouais, je suis très content, merci, c'est un bon chef. Et je trouve que ce soir, vous m'avez trouvé des très bons auditeurs. Ah, c'est cool, ah, super. Merci beaucoup. Ouais. Mais moi, je vais te dire une chose. Tu les félicites parce qu'ils te trouvent des bons sujets, mais t'as pas assez de nanas sur l'antenne, je suis désolé. Et ben justement. Ils sont pas fait que des mecs. Non! Je veux te dire une chose, que t'es écouté sur la France entière, comment que ça se fait que t'as presque pas personne de province, t'as que des gens sur Paris. Bon, attends, Gérard, écoute-moi. On a eu Coraline qui est une fille en début d'émission, elle appelle de province. Ouais. On a eu DJ Maxime qui était de province. On a eu Kevin de Blois, il me semble pas que ça apparaisse en province. On a eu Olivia, donc encore une fille, mais là c'était en banlieue parisienne, c'était la première. Loïc qui appelle également de province. On a eu Karine. Qui est une fille, on a eu David de Bruxelles, on a eu Nicolas de Villeneuve-d'Ascq, on a eu Olivier de Saint-Raphaël, et là on a Gégé de Nanterre. Et ensuite on va voir Bénédicte de Toulouse, donc il y a autant de femmes que de mecs et beaucoup plus de gens de province. De combien sur la région parisienne, t'en as que deux. Et pourquoi de Nanterre au lieu de Suresnes? C'est ce qu'on avait dit, Max. Il arrête pas. De quoi? Je comprends rien de ce qu'il dit. Pourquoi tu dis de Suresnes, j'ai de Suresnes, non de Nanterre. Pourquoi tout à l'heure tu étais en train de taper sur Filda et Magnon en disant qu'ils trouvaient des auditeurs demain, alors qu'ils étaient très bien ce soir, que le sujet était intéressant, qu'il n'y avait pas assez de nanas, alors qu'il y en a autant que les mecs, que c'était que des gens de Paris, alors que c'était trois quarts des gens de province, et que comme par hasard, quand je te mets le nez dans le caca, plutôt de dire, bah, excuse-moi Max, t'as raison, il y avait des filles ce soir, il y avait beaucoup plus de gens de province, tout de suite tu changes de sujet. Pourquoi? Non, parce que moi, je veux dire une chose, que les trois quarts du temps dans la semaine, t'as presque personne de province. Mais si. Uniquement sur la région parisienne. Mais attends, moi, sur toutes les cassettes que j'ai, je veux dire une chose, j'ai plus de 200 cassettes. Bon, écoute, réécoute-les toutes, et puis tu me dis exactement combien il y a de pourcentage de Parisiens et de gens en province. Ouais. Par contre, tiens. Alors, si tu veux, moi, je vais faire un sondage. Tu sais combien? T'as 50% de personnes de province et 200 et 150 de région parisienne. D'accord. 150% de région parisienne et 50% de province. 200% toi. Ouais. Tu fais un vote sur 200% toi. Ouais. Mais tu te fous pas de ma gueule ou quoi? Non. Comment tu veux pas faire un vote sur 200%? Parce que moi je vais te dire une chose, je sais comment ils font, parce que j'ai déjà vu comment Fildar il travaillait au standard. Comment il travaille au standard? Il dit allô, ouais, t'appelles pourquoi? Donne-moi ton numéro, il note même pas ton numéro, il l'enregistre en facette, mais il ne le marque pas, il rappelle pas la personne. C'est faux. Non, là Fildar, tu le prends à d'autres, mais pas à moi. Bah. Parce que je t'ai vu faire plus d'une fois. Et pourquoi tu dis tout ça sur l'antenne de Fun? Tu veux me faire du mal? Non, je veux pas faire du mal, parce que... Eh ben c'est fait, en tout cas t'as réussi, hein. Bravo. Eh ben dans ces cas-là, tu fais une chose. Si ça te fait pas ce que je te dis, Max, à l'heure actuelle, moi je te dis les quatre vérités, comme toi tu veux me dire les quatre vérités, comme quoi Fildar, tu veux te chouchouter, eh ben tu le chouchoutes si tu veux. Je chouchoute pas, Fildar. Non, mais tu veux le chouchouter. Non. Parce que pour l'instant, il s'est excusé, mais il s'excuse pas sur mon nom de famille. Mais s'il l'a dit. Non. Alors ferme ta gueule et écoute-le. Bah, alors tais-toi et écoute-le, vas-y Fildar. Je tiens à m'excuser sur ton nom de famille, c'est pas évident. Voilà. Bah ouais. Ouais, maintenant que je viens de le dire. Hein? Mais moi, je vais dire une chose que, Fildar, tu vois, tes excuses, pour l'instant, je vais les prendre, mais fais-moi confiance que jeudi, je te louperai pas, mon petit. D'accord, mais alors, si c'est... Non, mais Gérard, il faut arriver quand même dans un état bon esprit, parce qu'il faut pas arriver en guéguerre, parce que jeudi, c'est le dernier débat avant que je m'en aille en vacances, c'est un débat très important, tu sais très bien que tu fais un carton d'audience et qu'on peut pas se permettre comme ça. Laisse-moi terminer ou je te coupe à chaque fois de l'antenne. Je te préviens, tu vas parler tout seul hors antenne, on t'entendra pas en direct. Il faut vraiment que tu te mettes bien dans la tête que si c'est pour arriver comme une époque où t'arrives déjà super énervé avant même que le débat ait commencé, ça ne sert à rien. Parce que Fildar et Manu, eux, on peut le dire aux auditeurs, je vous le dis auditeurs, que vous ne croyez pas qu'après c'est Gérard qui a raison et que c'est Fildar et Manu. Fildar et Manu sont en pleine forme, ils ont le sourire, ils ont la patate, en ce moment ils travaillent très bien. Donc dites-vous bien que si je dis Fildar et Gérard se met tout de suite à gueuler, il faudra vous en prendre à Gérard et pas à Fildar et Manu qui, eux, sont très zen. Eux, ils ont envie de faire ce débat très correctement. Alors dans ces cas-là... Mais c'est toi le chef. On rappelle que c'est toi le chef. Oui, d'accord, c'est moi le chef. Alors dans ces cas-là, Moi, je vais te dire une chose. Tu vas rester dans les studios et tu vas voir comment ça se passe. De toute façon, je vais rester peut-être pas dans le studio parce que j'ai pas le droit. Ah, bah oui. Bah voilà. Donc, toi, tu vas t'en aller. Non. Tu vas pas savoir ce qui va se passer. Si, parce que je vais rester. Si, parce que je vais rester dans le studio d'à côté ou dans les couloirs et dès qu'il se passera un problème, je serai là pour réagir tout de suite. Ouais, donc tu verras pas comment ils font pour virer les gens de. Mais parce que je vais surveiller de loin et je vais écouter, je vais mettre des micros et je pourrai tout entendre. Ouais, et ben moi je vais te dire une chose, si ça fait comme l'autre fois, et ben dans ces cas-là. Mais comment tu peux le savoir toi, comment ils travaillent, parce que de toute façon t'as le casque sur les oreilles pendant ton débat. Ouais, donc non, mais moi de toute manière, en posant la question, j'ai un œil sur le standard aussi et je sais très bien comment ils font. Ah. Je sais très bien comment ils font. Ils reprennent l'auditeur hors antenne comme moi. Hein, ils me reprennent hors antenne. Ils me disent ils disent comme ça. Voilà, tu me fais passer sous un autre nom. Et hop, ils refont passer sous un autre nom. Ils prennent pas les lignes qui sonnent. C'est faux. Tiens, mon genou. Je vous ai vu faire. Alors, arrêtez. Moi, je pense que Gérard a raison, que vous l'avez déjà fait et qu'on surveillera tout ça parce que ce débat sur les routiers et la CB jeudi est tellement important. C'est vrai, j'avoue, on l'a déjà fait une fois. C'était pour un truc mystère, un bulldog, un truc. Ouais, non, mais attends. C'est la seule fois qu'on l'a fait. Dire une chose. Ceci dit, Gérard, tu l'as déjà fait. Pour Sandy, on peut quand même le dire que tu as déjà appelé Sandy. Voilà. Et qu'au lieu de dire sa véritable identité, tu lui donnais un autre nom. Et elle restait tout le débat. Oui, non, mais attends. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Mais ça, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on l'appelle. Mais pourquoi des privilèges comme ça, là? Pourquoi il y aurait des privilèges? Non, parce que Sandy voulait participer sur des débats. Et c'est toi-même qui me l'avais demandé. Non, une fois, mais toi, plein de fois, tu demandes. Mais bon, moi... Non, si. Tu as demandé qu'elle participe à tous mes débats, Sandy. Non, mais quelques-uns. Et moi, je préfère que ce soit les auditeurs qui appellent réellement et qui veulent vraiment participer au débat, qui font comme tout le monde. À ce moment-là, elle appelle au standard, comme tout le monde. Ouais, mais dans ces cas-là, ils vont pas la faire passer. Parce que je sais très bien que les gens qui vont appeler, et même si on fait un sondage sur le 01 40 521 521, je vais te dire une chose, que même sur le répondeur, que vous allez, ils vont pas en prendre un du répondeur. Ils vont attendre que tu donnes, que tu dises, voilà Gérard, à partir de minuit, vous, à partir de 23h30, vous pouvez commencer à appeler pour le débat de Gérard qui commence à minuit, et ça c'est ce qui va se produire, et les gens vont appeler au standard, et personne va prendre sur le 01 40 521 521. Alors ça sert à rien de dire qu'il y a un répondeur pour les débats de Gérard, parce que c'est faux, il y a aucun auditeur qui vient du répondeur. Il n'y a aucun auditeur qui vient du répondeur. Et qu'on ne me dise pas que c'est vrai, c'est parce que c'est faux. Mais les auditeurs n'ont pas besoin d'être sur le répondeur pour participer à tes débats. Bah attends, dans ces cas-là, pourquoi qu'on donne... Si on veut réagir... Non mais t'as jamais donné ce numéro de téléphone lors de tes débats? Parce que je passe qu'une fois par mois, mais quand... Une fois par mois, mais quand on était à Neuilly, quand on se passait régulièrement, je demandais à ce que s'il y avait des gens qui voulaient réagir sur le débat, je donnais le numéro du répondeur, et on n'avait aucune réaction du répondeur. Mais c'est normal, parce qu'il faut aller sur le répondeur, ça prend du temps, il faudrait qu'il y ait une personne supplémentaire qui ne s'occupe que de ça. On peut pas demander à Filda et Manu de faire standard pour être en direct, et en même temps, d'aller sur le répondeur. Mais étant rigolo, quand t'as 300 messages à écouter en une demi-heure, comment tu veux faire? Comment tu veux écouter les messages, rappeler les gens, effacer les messages, rappeler les gens, et en même temps faire ton standard pour ton débat en direct? C'est impossible. Il faudrait à ce moment-là qu'on demande un budget supplémentaire pour avoir quelqu'un qui puisse aller épurer le standard répondeur pendant tes débats. Ou alors, il faut demander à Noémie de le faire pendant tes débats. De manière, Noémie, pendant les débats, elle est là. T'as Rigo qui fait l'internet, et c'est bizarre parce que sur l'internet, apparemment l'internet il fonctionne super bien quand c'est les débats, même avec toi. Hein, j'ai rien à dire. Mais on est combien de connectés là? On est 150 là, nous? On a baissé là, on est plus que 82. 82 connectés, alors que toi tu fais combien? 7-8 000 quand même. Ouais, donc c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Et ce que je voudrais savoir, c'est les sondages là, qui sont tapés par internet, si vraiment. C'est des sondages qui récupèrent sur l'internet. Bah c'est Noémie ou Rigo, hein. C'est Noémie ou Rigo qui s'en occupe. Hein. Pour le dernier débat, c'était Noémie, et pour les autres, c'est toujours été Rigo. Donc arrête de dire toujours que c'est Filda et Manu. Alors moi je veux te dire une chose. Dans ces cas-là, je dis. On va gueuler contre Rigo. Non, il n'y a pas de gueuler contre Rigo. C'est que maintenant, je dis, on va faire une chose. Toi, tu vas être dans un studio à côté. Et tu vas voir comment que ça se passe. Et tu verras que dès que je vire un auditeur, ils vont pas lui raccrocher au nez. Il faut surtout pas le virer pour un oui pour un non aussi, hein. Ouais, mais attention, parce que là, je dis, on fait le débat, je le connais très bien. Tu maîtrises bien le sujet, quand même, tu connais bien ton sujet. Ah bah attends, j'ai pas été routier pour de la merde, je suis pas comme, souvent, comme Villard me dit, ouais, la routier, c'est tous les PD ou ceci, cela, hein. Donc, faudrait peut-être arrêter d'insulter les routiers, parce que les routiers, moi, je leur tire mon chapeau pour ce qu'ils sont en train de nous faire à l'heure actuelle. C'est grâce à eux si on mange, hein, c'est grâce à eux si tu mets de l'essence dans ta voiture. Sans eux, tu y arriverais pas. Hein, c'est clair, net et précis. Et ça, de toute manière, on va en discuter jeudi. Moi, je roule électrique sur le débat. Non, et ça, ça va faire, je vais te dire une chose, que même s'il le faut, de 2h à 2h30, on pourra me poser des questions sur la vie de routier, je répondrai s'il le faut. Mais il a jamais été. Si t'es d'accord de me donner une demi-heure en plus entre 2h et 2h30 pour que je réponde, aux questions que les auditeurs vont me poser. Mais attends, mais t'as le débat déjà pendant 2 heures pour faire ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter une demi-heure alors que t'es en train de nous dire que si ça se passe pas bien, au bout de 5 questions, tu vas arrêter, donc ça va durer 3/4 d'heure. Ça va dépendre de toi et de ton professionnalisme, parce que si t'es pas assez professionnel. De toute manière, moi, le débat, moi, je le connais très bien. Je l'ai déjà géré plus d'une fois. Non, mais les questions, elles sont prêtes là ou pas? Ouais, elles sont prêtes. Alors, parce que toi, tu veux pas qu'on pose les mêmes questions. Est-ce que toi, tu vas poser les mêmes questions que les deux fois d'avance? Parce que moi, j'ai encore les questions d'avant. On va voir si t'as changé. Ah non, mais de toute manière, les questions qui vont être posées ne seront pas du tout les mêmes que... Que les fois d'avant. D'accord. Ne seront pas du tout pareilles, parce qu'on va aborder les 35 heures, on va aborder le système de la CIVI comme c'est prévu. Oui. Et on va aborder pas mal de trucs. Si tu veux, je peux te donner deux trois questions comme ça. Vas-y. Hein? On les rechangera. Les routiers qu'on dise ce qu'ils veulent sur les routes ou autres. Donc ça, on l'a jamais abordé. Donc qu'est-ce qui est, à ton avis? C'est clair qu'on va la changer, celle-là. Celle-là, on la garde pas. Ah bah voilà. Alors si déjà ils commencent à vouloir changer les questions comme ça, moi je suis... Mais non, t'inquiète pas, ça se passera bien. D'autres questions? Alors un routier peut-il s'arrêter lors d'un accident sur la route? Ah, alors vas-y Manuel Fildard. Je pose à Manuel Fildard la question. Ah non, parce que... Si déjà tu leur demandes de répondre... Non, Gérard, je la pose. Si tu commences à demander à tout le monde de répondre à cette question, le jour du débat, forcément tout le monde va avoir les réponses et ça sert à rien de poser cette question jeudi. Ah bah, alors, de toute manière... Bah oui. Si t'étais un peu intelligent, justement, comme tu le dis, si j'étais pas intelligent, je ferais pas des débats, comme tu le dis tout le temps. Donc si tu commences déjà à nous poser toutes les questions que tu vas poser jeudi, tout le monde va avoir les réponses, après tu vas encore gueuler en disant que soi-disant les questions, on les met sur Internet et que tout le monde a les réponses. Mais forcément, tu les poses 48 heures avant, les questions. Ah non, mais là, je les pose pas 48 heures avant. Si, déjà, la question, là, tu veux savoir déjà ce qu'en pense Fildar et Manu. Alors si toi, on te dit, oui, les routiers ont le droit de s'arrêter, et que tu nous dis non ou inversement, tout le monde aura la réponse, après ça sert plus à rien de la poser jeudi. Mais de toute manière, là je vais te dire une chose, je te le dis en direct, c'est pas la peine d'appeler, j'arrive avec les questions sans qu'elles soient modifiées. Oh le carnage. Bah ouais, mais bon, tu sais comment elles sont, des fois tes questions elles sont pas terribles. Ah non, mais de toute manière, si moi j'arrive avec les questions, hein, j'arrive avec 15 questions pour tenir jusqu'à 2 heures, comme on a dit. Donc, je fais mes 15 questions et c'est tout. Je viens avec mes 15 questions sans être modifié. Oui, mais moi, le problème, c'est que par rapport à la CLT, le CIA et tout ça, et la CIA, ça n'a rien à voir du tout avec radio. Oui, que tu crois, mais bon, tu sais qu'on est sur écoute aux États-Unis. Donc, par rapport à la SACEM et tout ça, les droits d'auteur, si je lis pas tes questions et que tu poses une question trop indiscrète ou trop dangereuse et qu'après je me retrouve en procès. Bon, bah attends, dans ces cas-là, si on s'amuse à lire les questions hors antenne, de toute manière, le sondage va aller vite. Ça va être les 3/4 des questions sur les trucs du sondage. Ça va se passer comme ça. D'accord. Faut-il coucher dans la rue pour être routier, ceci, cela. Alors là, je vais te dire une chose que... Là, c'est pas possible. Ça, niette. Non, ça, c'est niette. Là, des sondages comme ça, j'en ai eu et... Et t'en veux plus? Non. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, mon petit GG, on se retrouve donc jeudi soir, débat sur les routiers et sur la CIBI. Bah quoi dire d'autre, il n'y a plus grand chose à rajouter. Ben non. Ah, on va faire comme ça, c'est impeccable. Non, sauf que on souhaite un bon courage à tous ceux qui travaillent. Oui. Donc c'est-à-dire les chauffeurs de taxi, les nuiteux, donc c'est pareil. Les nuiteux. Donc, les nuiteux. Les nuiteux, les nuiteuses. Non. C'est nuiteux, même une femme chauffeur de taxi, c'est un nuiteux. D'accord, ok, je ne savais pas, j'ai appris un mot ce soir. Donc ça passe pas au féminin. En routier, bon ben c'est pareil, donc on leur souhaite bon. Et les routières, non, on dit pas une routière ou une routeuse ? Une routeuse. Non, on dit un routier. Une routrice ? Non. Un routier, d'accord, ok, une routière. Non, ça n'existe pas non plus. Ah d'accord. Ça passe pas au féminin tout ça. Eh ben ça, il faut le dire, faut en parler, non ? Comment ? J'ai mal entendu ce que Fulgari vient de dire. Non, c'est Manu. Tu vois, tu reconnais même pas les voix, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il vient de dire Les travelots. Travestis, quoi? Non, je sais non, pas. Mais ça, routier au féminin, je croyais que ça se disait travelot. Ah ouais, c'est ça, travelot, bien sûr. Manu, commence pas à foutre ta merde, s'il te plaît. Voilà, exactement. Pas de problème. Bon, donc, on leur souhaite un bon courage et qu'ils soient prudents sur les routes parce que, apparemment, ça va pas être évident pour eux parce qu'ils annoncent un peu de brouillard. Ouais. C'est pour certaines villes, là, et donc voilà. D'accord, tu feras un plan, je sais pas, est-ce que tu en profiteras lors de cette soirée pour faire un petit plan bison futé ou quoi, non? Ah ben, si j'ai les informations, parce qu'apparemment sur Paris vendredi, ça va être la cata. Catastrophe complète, même demain, tu vois, en fait, en parlant de Paris, tu veux qu'on fasse un petit plan en circulation? Très vite. Demain, faut éviter les abords de Paris, parce qu'il y a, tu sais très bien ce qui se passe. Non, je sais pas. Manifestations, toujours. Hein. À partir de quelle heure? Ah ben, à partir de quelle heure? À partir de 13h30. D'accord, ok, très bien. Bah, merci pour ces petits renseignements, GG. On te retrouve jeudi en pleine forme pour le débat des routiers et des CBI. À mon avis, ça va faire carton plein. Rigaud sera présent sur le site internet. Il y aura Noémie dans les studios, Fildar et Manu. Et toi, grand maître des débats du jeudi. Ok. Ok, bonne voie, tu quittes pas. Hein. Ok.